donc un peu les filles. Allez, marquez ! Ah ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne du RIG pour suivre l'émission Johnny de A à Z, la 485e émission ici sur RIG. J'espère que vous allez bien et que vous écoutez cette émission soit si vous êtes sur Bordeaux sur le 90.7 ou à la rigueur sur le RIGFM.fr ou sur d'autres stations internet, radio. Vous pouvez retrouver cette émission-là également, surtout la station RIG. J'espère que tout va bien pour vous. On est là pour passer 2 heures d'émission avec un sujet spécifique. Voilà, c'est un petit thème de la soirée, c'est Johnny et le rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Oui, mais Johnny, c'est la plus grande star de la chanson française, hein. Et pour la plupart d'entre nous, Johnny, c'est d'abord des chansons qui sont devenues des véritables hymnes de décennie en décennie, avec Que je t'aime, Quelque chose de Tennessee, Ma gueule, L'envie, Marie, Allumer le feu, hein. Et chacun ajoutera son titre préféré, n'est-ce pas? Sans oublier, bien sûr, Je suis né dans la rue, La musique que j'aime, deux compositions originales qui s'enracinent dans le blues et le rock'n'roll et touchent au sujet qui nous intéresse ici, Johnny Rocker. En effet, du premier 45 tours en 1960 avec Leslie Fille jusqu'à le dernier album Mon pays c'est l'amour, le message qu'a fait passer le chanteur à toutes les générations qui l'ont applaudi n'est autre que je suis un rock'n'roll man. Et Johnny Hallyday, aux multiples visages, vite qualifié de caméléon, n'a en réalité jamais cessé de chanter son amour de jeunesse, sans cesse revivifié le rock'n'roll. Nombreux sont ceux qui tiennent Johnny pour un authentique chanteur de rock'n'roll, représentant tardif d'un genre musical né dans les années 50 qui avait déjà jeté ses plus beaux feux lorsque l'Idol sortit son premier disque. Pourtant, en se jetant à corps perdu dans le rock'n'roll, Johnny, le chanteur franco-belge rêveur d'Amérique, s'est mis à en écrire l'histoire et en y ajoutant son propre chapitre, se hissant à la hauteur de ses modèles. Mais quelle a été la place de Johnny dans l'univers du rock? Lorsque Ahmet Ertegun, cofondateur des disques Atlantiques, décide en 2001 de produire un disque à la gloire de la firme Sun, à laquelle le rock'n'roll doit tant, il invite les plus grandes stars internationales à donner leur version des grands classiques de leur choix, du moment que ces titres furent publiés par la firme de Memphis. Parmi ces stars, de Bob Dylan à Paul McCartney, en passant par Elton John et Jimmy Page, figure une seule personnalité non anglophone, Johnny Hallyday. Et c'était l'album Good Rocking Tonight. Johnny, c'est donc aussi et surtout le meilleur médiateur de cette musique américaine, plus que sexagénaire, qui n'a d'autre but que de la célébration du rythme, autrement dit, de la vie. Et aujourd'hui, pour s'y retrouver dans l'âge d'or du rock'n'roll avec Johnny, nous remontons aux sources avec la citation des classiques du rock'n'roll. Nous convoquons les créateurs de Premier Ordre et les autres, les Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Buddy Holly, mais aussi Huey Piano Smith ou Larry Williams et bien d'autres. On en passe et des meilleurs. On commence tout de suite donc avec Little Richard et Ready Teddy. Rock'n'roll sur l'antenne de RIG. Go man go, I got a girl that I love so well. Pick up my sweetie pie, she's my rock and roll baby, she's the apple of my eye. I'm ready to rock and roll. And all the flat top cats and all the dungaree dogs are headed for the gym to the sock hop ball. The drums are really jumping, the cats are going wild, the music really set my day, the crazy style. I'm ready, ready, ready. Rock and roll, hey!

Gone est la version originale adaptée par Michel Mallory en 1975 sur l'album de Johnny Hallyday, La Terre Promise. Ce titre donc date de 1958 et est devenu un grand succès grâce à Buddy Holly. Contrairement à ce que l'on pouvait penser, ce n'est pourtant pas Buddy Holly, mais Sonny West qui en premier a enregistré Raven. Sa version sortie en février 58 précède de 2 mois celle du célèbre rocker à lunettes. Et la chanson Raven est immortalisée par Buddy Holly qui l'enregistre au début de l'année 58, comme on disait, pour une sortie américaine sur le label Coral le 20 avril de la même année au Bell Sound Studio de New York City. La face B de ce fameux 45 tours est Take Your Time. C'est l'un des derniers hits de la trop courte carrière de Buddy Holly. Il existe de nombreuses reprises de ce morceau classé 154e meilleure version chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Citons les versions de Bruce Springsteen, Status Quo, Nitty Gritty et Dirt Band, John Mellencamp sur la bande originale du film Cocktail réalisé par Roger Donaldson en 1988 et la version de Johnny Hallyday date de 1975 sur l'album, je l'ai dit tout à l'heure, La Terre Promise. Quand je te tiens là entre de mes bras, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Oui, c'est bon quand tu m'embrasses, que je sens ton corps contre mon corps. Tu dis oui, que tu m'aimes et c'est bon. Ton lit est aussi chaud qu'un ciel d'été. Ta peau dorée a un goût si sucré. C'est bon de vivre ensemble. Toi et moi, on se ressemble. Tu dis oui, que tu m'aimes et c'est bon. Ce qui se passe en moi, oui c'est bon, oui quand tu m'embrasses, que je sens ton corps contre mon corps, tu dis, oui que tu m'aimes, et c'est bon, oui c'est bon, ton corps si chaud, c'est bon, le goût de ta peau, c'est bon, je n'ai rien d'autre à te dire, c'est bon, oui pour ton D2WB209, take 5. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. And be so lonely, so lonely, baby. They'll be so lonely, they could die. So lonely, baby. They're so lonely. They're so lonely. They pray to die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. You'll be so lonely, baby. We'll be so lonely. We'll be so lonely. We could die. Thank you. could be a little so lonely, a little so lonely they could die. Donc Chris a adapté cette chanson-là pour Johnny Hallyday en 1974 et cette chanson était destinée à l'origine au duo de country music de Wilburn Brothers qui sévissait aux États-Unis entre les années 50 et 70. Ces derniers, peu sensibles à cette chanson tirée d'un fait divers réel, la refusèrent, offrant ainsi la possibilité pour Elvis Presley de sortir ce qui sera son premier disque d'or enregistré le 10 janvier 1956 pour le label RCA. Le Lost Vinyl sort un peu plus de 15 jours plus tard et atteint le sommet du Billboard le 28 avril de la même année. Heartbreak Hotel a permis pour la première fois à Elvis de nuancer son image de rock'n'roller, bondissant pour aborder un style plus marqué par les difficultés de la vie quotidienne plus sombre. Par ailleurs, Presley se verra étrangement attribuer un tiers des droits de la chanson par Mac Boren Axtecn, qui, selon ses dires, souhaitait offrir une voiture au chanteur natif de Tupelo. Il est intéressant de souligner que la firme RCA, qui venait de rejoindre Presley, ne croyait pas à cette chanson, elle y était même hostile. Et le titre ne figure d'ailleurs pas dans l'album original qui signe l'arrivée de Presley dans la major. La musique fortement inspirée du blues a été illustrée par un texte écrit à partir d'un article faisant la une d'un journal de Miami, et ce dernier relatait le suicide suite à une peine de cœur d'un jeune homme qui laissa une lettre derrière lui. Sur celle-ci, on pouvait lire « I walk a lonely street », je marche dans une rue solitaire. Trop sombre, beaucoup trop sombre pour un disque populaire. Et comme pour un aggravé son cas, Elvis Presley se surpasse vocalement à tel point qu'il est impossible d'écouter distraitement Heartbreak Hotel. Sur ce tempo relativement lent mais syncopé, aux ruptures de rythme extrêmement suggestives, Elvis fait étalage de tout son art. La moindre inflexion de sa voix respire le rock'n'roll. Et les fans ne s'y tromperont pas, et Heartbreak Hotel s'est installé au panthéon du rock dès avril 56 pour y rester jusqu'à aujourd'hui. On va écouter Johnny Hallyday en live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Mais pas n'importe quel live. On retrouve Johnny Hallyday à Nîmes, aux arènes de Nîmes. Non, c'était même pas les arènes de Nîmes, c'était dans une salle près de Nîmes. C'était le... Ce serait bien si j'avais la date exactement. Le 29 novembre 1995. Il interprète Heartbreak Hotel, Hôtel des Cœurs Brisés. Cadeau ce soir pour vous, pour cette émission Johnny de la Z et le rock'n'roll. Oui, les slow du rock and roll. Vous avez envie de quoi, là? Vous, Anime, vous avez envie de quoi? Spero il vento, vieni talagile. Oh, petite version française que je vais vous faire. Big Mama m'est parti, j'ai trouvé un coin pour pleurer. En bas au bout de la rue de l'autre, les corps et je me sens si seul, qui sait, je me sens si seul. Oh, je me sens si seul, que je trouverai mon nez. Sans cesse, le portier tout en noir. Sans rester si longtemps là-bas, l'encontre. On ne pourra plus jamais les revoir. Je me sens si seul. Si seul, je me sens si seul. Que je pourrais mourir. Ah. I feel so lonesome, baby. I feel so lonesome. I feel so lonesome. Lonesome, I could die. By looking at a tree, you can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Oh. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her maid. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. Oh, how am I doing, baby? Oh. Yeah. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right from looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you can't judge me. Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Dans l'émission Johnny de la Z, on écoute les pionniers du rock'n'roll et du blues. À l'instant, Bo Diddley avec You Can Judge a Book by Its Cover, une chanson qui a été adaptée par Gilles Thibault. Et c'est un titre créé donc par Bob Diddley en 1962. Et pour de nombreux amateurs, le nom de Willie Dixon est synonyme de Chicago Blues et celui de Bo Diddley est associé à Chess Records, la firme de Chicago. Bo Diddley restera dans l'histoire avant tout comme l'inventaire d'une rythmique originale, le delay beat, déjà présent dans le premier 45

De Dale Hawkins, qui est adapté par Manu Roblin avec le titre Suzy Lou. Dale Hawkins est bien le seul auteur du morceau, mais les noms de Stan Lewis, propriétaire des labels Jewels and Polar Records, et d'Eleanor Broadwater, épouse du célèbre DJ américain Gene Noblesse, qui officie sur la station WLAC de Nashville, apparaissent sur les crédits initiaux de la chanson. Une pratique qui est assez courante à cette époque. En effet, le nombre élevé de passages d'un disque sur une grande station de radio permet souvent d'en assurer le succès commercial. Que tout le monde puisse en profiter, pas seulement les auteurs. Et l'immortel Suzy Q a été reprise par un très grand nombre d'artistes, dont Lenny Mack, Gene Vincent, les Rolling Stones, The Everly Brothers, The Creedence Clearwater Revival, Linda McCartney, Johnny Rivers et tant d'autres. Suzy Lou est la version de Johnny Hallyday qui a été enregistrée le 30 avril 1964 au studio Blanqui à Paris en compagnie du groupe Joe and the Showmen. Si Dale Hawkins avait trouvé le guitariste idéal en la personne de Jane Burton, on peut dire la même chose du chanteur français avec le prodige new-yorkais Joey Greco dans un style un peu plus fondant et formidablement bien amené par le batteur anglais Bobby Clark qui fait preuve de beaucoup de finesse. Un autre a tout changé. Avec des motos blancs, il a quitté ses ans, ma Suzy Lou. Suzy Lou, oh Suzy. Manu Roblin a adapté cette chanson Frankie and Johnny d'une chanson traditionnelle nord-américaine connue sous plusieurs titres. Frankie et Johnny, Frankie et Albert, oui, on sait pas où est-ce qu'il, où, d'où il vient lui, He Done Me Wrong, voire Frankie tout court. Selon le critique de jazz Leonard Feather, la chanson remonterait au 19e siècle et aurait été chantée durant la guerre de sécession. Tous les musicologues ne sont pas convaincus de cette affirmation. D'autres pensent qu'un fait divers qui a eu lieu en 1899 à Saint-Louis, dans le Missouri, est à l'origine de la chanson. Frankie Baker avait tué son jeune amant à Helen, qui l'a trompé avec Alice. Ce qui est certain, c'est que la musique est signée pour la première fois par Huey Cannon en 1904. Et le texte de la chanson est déposé en 1912 par Frank and Bert Layton, mais continue à varier jusque dans les années 20. La version écrite par Manu Roblin pour Johnny Hallyday est fidèle à l'esprit et à la lettre de la chanson originale, mais sans tirer de morale ou d'absence de morale. Elle se présente comme une adaptation de Frankie and Johnny, chanson de Gene Vincent. Certes, la chanson apparaît dans l'album Gene Vincent Rock and Blue Caps Roll de 1958, mais le texte chanté par le créateur de Bebop Rocks raconte bien la même histoire qu'en 1920 sans la morale. Il reste que Gene Vincent est le premier chanteur de rock'n'roll à avoir interprété Frankie and Johnny, et c'est pourquoi la chanson lui est souvent attribuée. Au demeurant, Gene Vincent la signe sans vergogne. L'arrangement, en revanche, est indubitablement original. L'ambiance est indéniablement rockabilly, mais perdant son côté balade paysanne, presque comptine pour adultes, la chanson est dramatisée par la voix hallucinée et la virtuose tessiture de Gene Vincent. La version de Johnny Hallyday apparaît dans l'album Johnny Revient, les rocks les plus terribles de 1964. Johnny s'inspire étroitement de l'inspiration de Gene Vincent et va dans la même direction et tire la mélodie vers la tragédie. Mais ce n'est pas la version studio que je propose, non, c'est... Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et pas que n'importe laquelle version live. Je vous propose celle du Pavillon de Paris, Porte de Pantin de 1979. Funk et Johnny, sur RIG dans l'émission Johnny de la Z. Yeah, funky new mec, son Johnny. J'ai toute sa vie. Elle dit à Johnny, tu es à moi. Se rend dans ses bras, Nelly. Deux, trois verres pour oublier Frankie, qui nuit et jour lui répétait cela. Tu es à moi, toujours tu ne l'oublies pas. Et Frankie arrive sans se faire voir, les surpris enlacés devant le bar. De son sac à col 45, elle sortit, tira sur Johnny et lui dit, tu es à moi. gueule. Ferme la gueule. Qu'est-ce qu'elle a ta gueule? Et pas ton amour. Et pas ton désir. Il me meurt d'une étrangère. Sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. I saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. While horses couldn't make me stay away, I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say, hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Yes, hello, Mary Lou, goodbye, heart. Hello, Mary Lou. Est une chanson de style country et western créée par Ricky Nelson en 1961, 9e au classement pop du Billboard, tandis que l'autre face du disque, Traveling Man, atteint la première place. Hello Mary Lou est un country western trépidant et joyeux à la gloire de la merveilleuse Mary Lou. L'un des attraits de la chanson est un solo de guitare exemplaire par James Burton que l'on retrouvera avec Presley du côté de Las Vegas. La chanson a notamment été enregistrée par Creedence Clearwater Revival dans leur album Mardi Gras en 1972, par Led Zeppelin en 1972 également, et par Queen aussi en 1986. Et Hello Mary Lou apparaît dans l'album enregistré à Nashville en 1962, Johnny Hallyday Sings America's Rocking Hits. Johnny ne l'a pas adapté en français, c'est l'anglaise Petula Clark qui s'en est chargée. Bye bye mon amour. Johnny, malgré son accent frenchy plutôt appuyé, se promène comme chez lui avec une chanson cowboy soutenue par une orchestration dynamique particulièrement entraînante. Il faut savoir que Johnny, tout gamin, faisait ses gammes avec une autre mythique chanson cowboy, la ballade de Davy Crockett, adaptée en français par Francis Blanche et créée par Annie Cordy en 1954. Hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part, so hello Mary Lou, goodbye heart. Passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and who I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, swear my feet stuck to the ground, and thought I never did meet you before. I said hello Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part, so hello Mary Lou, goodbye heart. Yeah! lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. Well, I thought about a moonlit night. My arms so gone to you good and tight. That's all I had to say for me to say. I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou. I'm so in love with you. I knew Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Holy smoke, land sakes alive. I never thought this could happen to me. Yeah. I got stung by the sweet honey bee. What a feeling to hum over me. It started in my eyes, crept up to my head, flew to my heart. Well, I was stung, did I run? I got stung. Yeah. Yeah. She had all that I wanted and more. And I've seen honey bees before. She started buzzing in my ear, my eyes, and in my brain. Got stung all over, but I feel no pain. I'm not. I got stung. And I don't think I'm complaining. I'm mighty glad as we met. Cause you give me one little bit on the back of my neck. And I break out in a cold, cold sweat. Well, it's the length of 102. I won't let nobody sting me but you. I'll be pressing on your hive every day. Five, I'm never gonna leave once I arrive. Cause I'm not. I got stung. Yeah, and I don't think I'm complaining. I'm mighty pleased we met. Could you give me a little peck on the back of my neck? And I break out in a cold, cold sweat. Well, it's the length of 202. I won't let nobody sting me but you. I'll be the best of all your hive every day. If I ever, I'm never gonna leave once I arrive. Cause I'm not. I got stuck. Yeah. Daniel G. White a adapté la chanson I Got Stuck par le titre Je suis mordu. Et donc c'est un titre écrit pour Elvis Presley en 1958. Le King l'enregistre le 11 juin 58 à Nashville alors qu'il s'apprête à effectuer son service militaire. Et le morceau constitue la face B d'un 45 tours dont le titre phare est One Night, sorti le 21 octobre 1958. On peut voir la pochette sur le Facebook de l'émission Johnny de A à Z. Merci Rook. Et I Got Stuck connaîtra les honneurs d'une deuxième édition, toujours couplée à One Night en 2005 au Royaume-Uni, où il se classera à la première place des charts presque un demi-siècle après sa création. Cette chanson est entièrement conçue pour une diction rock'n'roll rythmée et syncopée, tout en étant retenue, et Presley est virtuose dans cet exercice. Paul McCartney, qui s'y connaît, s'y essayait dans son album Run Devil Run en 1999. Johnny propose en 1960 une version pleine d'allant et beaucoup plus dépouillée que celle d'Elvis. On va l'écouter d'ici quelques secondes, mais ce sera en live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny au vieux Coulommiers à Juan-les-Bains en juillet 1960. Je voyais le résultat. Ah, ah, yeah. Ah, yeah. Qui peut être petit bichu. Tu mords. Yeah, tu mords. Yeah, tu mords. Yeah, tu mords. Yeah. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat, t'as voyez le résultat. On écoute les pionniers du rock et du rock'n'roll, du blues, ici sur le thème de RG dans l'émission Johnny de A à Z, Johnny et le rock'n'roll. Voici Cliff Richard avec Sea Cruise en live. Adapté par Lancris et Pierre Billon sur l'album C'est la vie de Johnny Hallyday en 1977. Et si le piano sur la version originale, à la fois swingant et nonchalant du boogie-woogie style New Orleans, est personnifié par Fats Domino, il ne faut pas oublier pour autant Huey Piano Smith, pianiste et auteur-compositeur. En 1959, il se retrouve au Hit Parade avec Sea Cruise. Cependant, ce n'est pas lui qui chante, mais Frankie Ford, chanteur louisianais, dont ce fut le plus gros succès. Et parmi les versions récentes de Sea Cruise, c'est en celle qu'on vient d'écouter, aussi inattendue que réussie, enregistrée en 2009 par Cliff Richard and the Shadows pour leur album du cinquantenaire Reunited. Et de son côté, Huey Piano Smith, devenu témoin de Jéhovah, a totalement abandonné l'industrie du disque. La version de Johnny Hallyday apparaît dans l'album C'est la vie en 77, album connu surtout pour contenir le tube J'ai oublié de vivre. Le texte est signé donc Lancris et Pierre Billon, et c'est une célébration du rock'n'roll et de la rock'n'roll attitude, comme on ne dit pas encore à l'époque. Objet fétiche, chanson fétiche, artiste fétiche, rien ne manque. Si Gene Vincent est omniprésent de la chanson, Elvis Presley, Terry Richard, Buddy Holly et Reggie Lee Lewis ont aussi droit à un coup de chapeau. Johnny est convaincu et convaincant. On va faire un tour sur le boulevard du rock'n'roll. À 50 dans la TR3, il faudra que ça décolle et on l'accompagne volontiers, n'est-ce pas, hein? On va écouter de suite cette chanson. La croisière de souvenirs, Johnny Hallyday sur RG dans l'émission Johnny de A à Z. de ma bague, la tête de mort aux yeux qui brillent, c'est ça la croisière de mes souvenirs. Adapté par George Abert en 1900 pour Johnny Hallyday en 1967. C'est un titre écrit à la base en 1957 pour Big Joe Turner. Big Joe Turner, en effet, c'est le géant du Texas City qui a le premier enregistré Teenage Later pour la firme Atlantic. Et ce 45 tours a comme face B la chanson We Baby Blues. Et Big Joe Turner, à qui on doit Shake, Rattle and Roll, Johnny l'avait repris sous le titre Chouette, la vie est drôle, quoique grand shooter de blues, n'est pas un chanteur de rock and roll et n'a pas non plus le look qui qui convient aux teenagers. Mais si sa diction reste celle d'un bluesman, le piano ici particulièrement débridé a du rock'n'roll. C'est au Tenants Master Studio de New York, entre le 7 et le 13 mars 67, que Johnny grave Lettre de Fan pour le compte de son album Johnny Swanset, dont la vocation première est d'être un véritable hommage à la soul music d'Otis Redding, avec qui il a sympathisé à Londres en 1966. Pour cela, l'idole choisit de s'entourer de quelques-uns des meilleurs musiciens du genre qui se sont déjà illustrés dans quelques-unes des plus importantes séances de l'histoire de cette musique, que ce soit à Memphis, dans les studios de Muscle Shoals en Alabama, ou encore à New York. Voici Lettre de Fan, John Hayden, 1967. Dans une lettre remplie de fleurs, quand tu m'écris de toi, je suis fan et je t'aime. Oh oui, je t'aime. Car pour moi, Johnny, tu seras toujours le premier. Je reçois de ces lettres au courrier chaque jour. J'ai bien du mal à croire à ton amour. Et qu'un nouveau nom surgit à l'horizon, alors là tu m'abandonnes. Ça je le sais, pour un autre. Oh oui, pour un autre. Et tu lui écris qu'il sera toujours le premier. Dans une lettre remplie de flammes, lorsque je lis de toi, je suis fan et je t'aime. Oh oui, je les aime. Quand je lis Johnny, tu seras toujours le premier. Où est dans vos lettres, où est dans vos lettres remplies de to tell me what was on his mind. He said, but honey, yes, but honey, but honey, if you wanna stay here with me. I was clean as a screen and so hard pressed. I called the woman that I love best. I finally got my baby by the half past three. She said, to know what you want with me. I said, much honey, much honey, honey, much honey, if you wanna get along with me. She screamed and said, what's wrong with you? From this day on, our romance is through. I said, tell me, baby, face to face, how another man take my place. Money, honey, money, honey, oh, money, honey, if you wanna get along with me. Oh, Honey Honey, la première chanson éditée par Clyde McFather et The Drifters en 1953. Le succès immédiat est très conséquent puisque le titre se classe 6 mois dans les charts R&B américains, devenant bien sûr numéro 1. Et elle est reprise par Elvis Presley dans un concert en Louisiane le 22 janvier 1955. Elvis l'enregistre finalement en janvier de l'année suivante au studio RCA de Nashville lors de la session qui produit Heartbreak Hotel. Elle sort dans son album mythique Elvis Presley, paru chez RCA en mars 1956. Eddie Cochrane la reprend également en public et, plus près de nous, Ray Cotter l'inclut dans son album The Purple Valley en 1972. Et c'est sur l'album live Destination Vegas, sorti le 12 décembre 1996, que Johnny en propose sa version. Enregistrée en public le 24 novembre 1996, le texte de Money Money, signé par Jean Foc, se veut fidèle à l'esprit de l'original et évoque les problèmes d'argent d'un homme face aux dépenses quotidiennes. C'est la version live, évidemment, de Las Vegas qu'on retrouve au Aladdin Theater. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny de A à Z. Moi je veux de la money, money. Du money, money. Money, money. On va la money si tu veux qu'on reste amis. Allez trouver le blé pour le lendemain. J'ai appelé celle qui m'a promis sa main. Je l'ai réveillée, oui, au milieu de la nuit. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux. J'ai dit bonsoir ma chérie. Sit Right Down and Cry Over You a été adapté par Ralph Burnett sous le titre Pleurer auprès de toi, et le titre original a été écrit en 1953. Ce tandem d'auteurs est reconnu comme étant le premier d'origine afro-américaine, on parle de Joe Thomas et de Howard Biggs, oui, à avoir mis son talent au service de la maison de disques SCA Victor. Selon l'ouvrage d'Arnold Rippens, The Originals, Joe Thomas aurait ouvert le bal des interprètes avec de I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You en enregistrant ce titre. Cependant, il n'existe aucune trace de cette hypothétique session, ce qui pousse à une grande prudence vis-à-vis de ses propos. C'est donc au chanteur de Rhythm and Blues à la voix magnifique qu'on vient d'écouter, Roy Hamilton, que revient officiellement cet honneur. Il enregistre en effet la chanson en novembre 1953 afin qu'elle apparaisse en face B de You'll Never Walk Alone, son hit sorti en 1954 sur le label Epic. I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You a été repris par de nombreux artistes qui ont su lui donner ses lettres de noblesse. Les versions les plus concluantes sont celles d'Elvis Presley, qui a toujours revendiqué le fait d'être un grand admirateur d'Hamilton et qui a enregistré cette chanson le 31 janvier 1956. Et Johnny a repris ce titre-là sous l'album Alléluia, l'album numéro 7 au studio Blanqui en 1965. Je resterai là pour pleurer auprès de toi. Je resterai là pour pleurer auprès de toi. Si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Je t'aimerai plus fort encore à chaque fois. Je t'aimerai plus fort encore au fond de moi. Et si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Que mes amis le sachent, qu'ils apprennent tout, qu'ils jugent ma peine, à quel point je suis fou. Si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Chaque fois, je te trouverai plus fort encore au fond de moi. Et si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour pleurer auprès de toi. À que mes amis le sachent, qu'ils apprennent tout, qu'ils jugent ma peine, à quel point je suis fou. Si tu me quittais demain, si ton cœur a du chagrin, je resterai là pour auprès de toi. Ah, je resterai là pour pleurer auprès de toi. Je resterai là pour pleurer auprès de toi. Ah. Got a crazy wiggle in a ponytail. Crazy little giggle of a wild female. Got me on the prowl like an old tomcat. Can't you hear me holler, mama? I want that, I want that. Yeah, yeah, yeah, I want that. Every time we're kissing and I feel your touch, feel myself a-shaking cause I thrill so much. Ain't too skinny and she ain't too fat, just the way I like her, mama. Take your pick of any old chick. Believe that loving baby for me. Everybody knows how I feel about you. The whole school knows that my love is true. Told everybody in the history class that I want you and the feeling will last. I want and then shaking cause I thrill so much. Ain't too skinny and she ain't too fat, just wear like a mama. That est un titre écrit en 1960 pour Billy Crash Craddock. Emmené par un saxophone omniprésent durant toute la chanson, I Want That est une chanson qui évoque par moments Fever avec son rythme à la fois nonchalant et swingant. Popularisé aussi par Peggy Lee en 1958. Huitième classement pop américain, puis par Presley en 1960. Elle fut créée en 1956 par Little Willie John qui en fit un numéro 1 au classement R&B. Et les chœurs ne sont pas sans rappeler les Jordanaires d'Elvis Presley. C'est une belle production qui n'a incontestablement pas connu le succès qu'elle méritait. Et ce titre obscur ne figure certes pas parmi les classiques du rock'n'roll. Alors pourquoi sélectionner cette chanson dans cette émission par exemple, hein? Et pour pouvoir se poser la question suivante, comment le disque de Billy Craddock a bien pu parvenir aux oreilles de Johnny Hallyday? Est-ce en entendant I Want That à la radio, bien improbable, hein, dans un jukebox peu vraisemblable, en se procurant le disque par exemple grâce à Lee Hallyday ramenant le 45 tours des États-Unis, ou bien plus simplement via un leader français? Il est plus probable que c'est en tombant sur un super 45 tours Philips Hits from États-Unis numéro 13 paru en France en 1960, sur lequel Billy Craddock, présenté comme Crash Craddock, interprète quatre de ses chansons dont cette chanson-là, I Want That. Quoi qu'il en soit, oui mon cher, l'adaptation est signée Guy Kelly, figure sur le premier super 45 tours de l'année 61, et par miracle, la firme Vogue accorde à Johnny pour cette session l'engagement d'un saxophoniste et des choristes, des moyens supplémentaires, hein, peut-être consentis parce que Johnny interprète ce titre dans le polar de série B, dossier 14-13, réalisé par Alfred Rod. Voici la version de Oui mon cher, oui, 82, version 82. Balancer ma femme sur un rocking chair, lire un magazine rempli de pin-up, boire avec une paille un whisky du tonnerre, un 78 oreillé sur le pick-up. Oui mon cher, j'adore ça. Oui mon cher, le Cliff Richard Presley, Jim Vincent et James Dean, vivre un souvenir bercé par les Platters, et danser le rock en faisant la cuisine, me casser la figure au sport d'hiver. Oui mon cher, oui j'adore ça. Oui mon cher, oh, embrasser celle que j'aime, n'importe quand, n'importe où, avec ma grande sport plongée dans la Seine, pour lui faire croire que je suis un terreur avec un blouson noir et me faire suer à Saint-Germain-des-Prés, brûler les feux rouges en le faisant exprès pour faire la course avec les motards. Oui mon cher, oui j'adore ça. Oui mon cher, oh. C'est tellement monotone que rien ne me surprend, que plus rien ne m'étonne. Si vous connaissez quelque chose de nouveau, téléphonez-moi à mon club Gauffrouo. Oui mon cher, yeah, yeah, yeah, j'adore ça. Gone. Nobody but you. Oh, baby, who is my friend now? When all things are gone, who always defend me? If I'm right or wrong now, nobody but you. Oh, baby, now, nobody but you. I do mean you, yeah. Who is the soul now in my bread? Nobody but you, yeah. I do mean you, yeah. Who is the soul now in my bread? Nobody but you. Oh, baby. Who is the soul now in my bread? Who is the doctor on my sick bed now? Nobody but you. Yeah, nobody but you. I'm doing you, the sugar in my tea. Nobody but you, yeah. I do mean you, yeah. Who is the sugar in my tea? Nobody but you. Oh, you know the sugar in my tea. When I'm in trouble, who sees about me? Nobody but you. Nobody but you. I'm gonna talk about tell my sister, tell my brother, tell my father, tell my mother all about you. You know on Monday I'm gonna talk about, and you know Wednesday I'm gonna talk about, and I know I'm gonna talk about, and all day Friday I'm gonna talk about, and I know I'm gonna talk about all about you. All about you. I said, I know, I'm gonna talk about you. All about you. All about you. Talking About Love de Ray Charles, adapté par Gisèle Vesta sous le titre Qui aurait dit ça? Ouais, cette chanson figure dans l'album Yes Indeed de 1958. Cette chanson R&B typique à la manière de Ray Charles, up-tempo soutenu et lancinant, qui n'est pas sans rappeler I Got a Woman. Ray Charles évoque sa compagne qui est toujours là quand les amis sont partis, qui sait l'aimer, qui est pour lui son sucre dans sa tasse de thé. Oui. Et Talking About You, titre mineur dans la carrière de Ray Charles, n'est certes pas le titre phare de l'histoire du rock'n'roll. C'est néanmoins une chanson de scène idéale. On peut l'entendre une version qui déménage sérieusement de l'album Richards à Newport. Et c'est dans cette chanson qui est choisie, c'est cette chanson qui est choisie par le groupe anglais The Animals pour figurer en face B de House of the Rising Sun en 1964. Les paroles y sont néanmoins sensiblement transformées, voire carrément réécrites. Talking About You est parfois confondu avec I'm Talking About You de Chuck Berry de 1961, qui n'a rien à voir. Et c'est en 1961 1962 à Nashville, dans le Tennessee, que Johnny enregistre ce titre, preuve qu'il ne s'intéresse pas qu'aux évidences du genius comme I Got a Woman, qu'il enregistre également cette année-là. Et le texte français évoque deux amoureux qui s'étonnent eux-mêmes de leur passion réciproque. Le titre n'est finalement pas intégré dans sa production des années 62-63. Qui aurait dû ça ne refaire surface qu'en 1990 dans la compilation Nashville Session 1962. Oui, que toi et moi, on tombe amoureux. Qui aurait dit ça? Oui, que toi et moi, on en arrive là. Qui aurait dit ça? Oh, ouais, il y a 6 mois, on était tous deux, ouais, ouais, vraiment à son lieu. Cette idée-là, ouais. Qui aurait ça? Oui, tous nos amis ne reviennent pas. Quand on leur dit ça, quand on leur dit ça, mais mon amour, où on prenait ça? Au du cinéma. Thank you. My Baby Left Me de Arthur Crudup. Et c'est le 8 novembre 1950 qu'Arthur Big Boy Crudup enregistre cette chanson à Chicago pour le compte du label Victor, accompagné par Judge Riley à la batterie et par Ronson Knowling à la contrebasse. Musicalement, le morceau est issu d'un habile mélange de blues et de hillbilly. On ne s'étonne donc pas que l'oreille du jeune Presley ait été attirée par ce titre qui est annonciateur comme That's Alright Mama du mouvement rock'n'roll qui allait déferler quelques années plus tard et atteste une fois de plus le rôle primordial que le chanteur et guitariste de blues a tenu dans l'élaboration du genre. Si sa version est au départ réservée au marché afro-américain, c'est Elvis Presley qui lui permet de franchir les barrières raciales en l'enregistrant le 30 janvier 1956 comme face B du 45 tours I Want You, I Need You, I Love You. Sorti le 4 mai 1956, il connaît un vif succès, numéro 1 au Billboard dès le 28 juillet, tout en générant de nombreuses vocations. My Baby Left Me a d'ailleurs été repris par une grande quantité de vedettes anglo-saxonnes telles que Pat Boone, The Creedence Clearwater Revival, Vince Taylor, David Mundt, Dick Dale, Conway Twitty, Waylon Jennings et Shakin' Stevens et tant d'autres encore. C'est le 29 avril 64, accompagné par le groupe Joey the Showman, que Johnny enregistre Tu me quittes au studio Blanqui de Paris, et le morceau est édité le 10 juillet 64 dans l'album Johnny revient, les rocks les plus terribles, et le 11 septembre sur le deuxième Super 45 Tours, portant le même titre. Le voici, Tu me quittes. Ce soir tu me quittes, pourtant dans mon cœur je n'ai pas de peine, je n'ai pas de peur. Si tu me quittes, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Oui, tout seul à ma fenêtre, oui je te vois partir, et mon cœur ne regrette pas un souvenir. Si tu me quittes, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien vaines que tu me faisais, de les entendre je peux bien m'en passer. Si tu me quittes, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Oui, tout seul à ma fenêtre, oui je te vois partir, et mon cœur ne regrette pas un souvenir. Si tu me quittes, si tu me quittes, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Oui, entre nous ce n'était qu'un jeu, j'en suis bien heureux. Something crawling up across the floor, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. If you see a head of peeping from that hole, if you see somebody climbing up a telephone pole, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. Gonna look on the mountain and in the deep blue sea. Gonna search all the forests and look and look at every tree. Well, if you feel something heavy on your fishing hook, if you see a funny face in your comic book, baby, it'll be me. For you. If you have a calling out in see somebody hanging from a lamppost bright, baby, it'll be me. And I'll be looking for you. If you see somebody looking in all the cars, if you see a rocket ship on its way to Mars, baby, it'll be me. City where the lights are blue, gonna search the countryside, all the haystacks too. If you see a new face on a thorough pole, if you find a lump in your sugar bowl, baby, it'll be me. It Be Me n'est autre que la face B du deuxième single Jerry Lewis, la face A étant Walla Shaking Going On. C'est dire que ce titre, enregistré à Memphis en février 1957, est l'une des productions de Sun Records Company qui ont changé le monde. Et aux États-Unis, ce disque est un triple numéro 1 au classement pop, R&B et country music. Et avec Ma Chérie C'est Moi, Michel Mallory est fidèle à l'original. Johnny jubile, tire la chanson vers une sorte d'ironie enjouée, et c'est avec ce titre que débute Rock à Memphis, l'album culte de 1975. Avec un tel démarrage, on se dit que ça ne peut pas se gâter. On a raison. Une version live figure dans l'album Johnny Story Palais Sport en 1976. Mais ce n'est pas cette version-là de 76 qu'on va écouter, mais la version de 1981. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live à l'hippodrome de Pantin ou ailleurs, hein, c'était en 1981. Et vous écoutez Johnny de A à Z, Johnny et les rock'n'roll. Avec les pionniers du rock, les pionniers du blues, les pionniers de la country music, c'est ici sur Eric. J'ai quelqu'un pour pas t'emporter à minuit, si ton téléphone sonne toute l'année. Ma chérie, c'est moi, ma chérie, c'est moi. Il a besoin d'un bout. Si tu trouves quelqu'un de caché, tout est là, sous ton lit et sous ta porte, surtout. Ne crie pas, ma chérie, oui, c'est moi, moi, moi, ma chérie, c'est moi. Une besoin d'amour. Ne sois pas cruel. Et on aura ton lit. De la nuit, il gèle. Ne me laisse pas sur la mer. I'm Chanson de One Night. One Night, une chanson également connue sous le titre One Night of Sin qu'on a pu entendre, et One Night with You, hein, écrite en 1955 pour Smiley Lewis, de son vrai nom Overton Amos. Et son interprétation de One Night of Sin, hein, s'est classée numéro 11 des charts R&B en 1956. L'arrangement est dû à Dave Bartholomew, qui resservira pour la version de Blueberry Hill pour Fats Domino. Et cette fois, ce sera le jackpot. Elvis Presley enregistre la chanson le 18 janvier 1957. Toutefois, en raison des paroles suggestives, on ne chante pas le péché, sin, hein, impunément. Elle est réécrite par Anita Steeman, une nuit de péché devenant une nuit de avec toi. Plus en phase avec les bonnes mœurs de l'époque. Presley l'enregistre à nouveau un mois plus tard. Le 45 tours One Night avec I Got Stuck en face B sort le 21 octobre et atteint la 4e place du Billboard. Et il existe peu d'éléments sur la version de Johnny Hallyday qui semble avoir été enregistrée en 1976, et il n'est en tout cas guère surprenant d'avoir dû attendre la sortie de l'intégrale en 93 pour la découvrir. Une nuit sans toi. Sous mes mains. Hey! est une nuit sans matin. Lorsque le jour nous trouvait, t'as maintenant ma main. Et gardez le goût de toi sur mes lèvres et sur mon corps. Ton souvenir pris dans moi. Cette chanson créée par Gary U.S. Bonds en 1960, numéro 6 au hit parade américain. Gary U.S. Bonds est un chanteur de la fin de l'âge d'or du rock'n'roll qui s'est orienté assez vite vers le twist et rhythm and blues policé. La chanson New Orleans évoque avec quelques images poétiques les charmes du Mississippi et de la Nouvelle-Orléans sur un tempo à la fois lourd et frénétique. L'adaptation par Gilles Jean, assurément moins légère mais assez fidèle, tire la chanson vers une sorte de rêve américain pour français moyen. Alors, New Orleans a été enregistré par Johnny en 1961, dernier 45 tours chez Vogue, puis réenregistré en 1982 chez Philips. À plus de 20 ans d'écart, les deux interprétations de Johnny manifestent une évidente vitalité. Voici la version de 1960, version alternative. A New Orleans, hey, hey. Baby, I keep them to myself. Sweet nothing. Baby, give me that special look. Sweet nothing. mommy and daughter, that's enough for tonight. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet nothing. Sweet Nothings, interprété à l'instant par Brenda Lee, qui est considérée avec Wanda Jackson comme la pionnière du rock'n'roll féminin. Et plongée dès son plus jeune âge dans une ambiance musicale, elle voue un véritable culte à Ray Charles, Fats Domino et à la chanteuse de gospel Mahalia Jackson. Sweet Nothings est cependant le premier grand succès populaire de Brenda Lee, et cette histoire d'une adolescente habitée par une love story et qui passerait bien son temps à entendre des mots doux susurrés à l'oreille par son petit ami est suivie d'une longue liste de tubes. Dans les années 60, elle est la cinquième meilleure vendeuse de disques aux États-Unis, et si sa carrière s'est par la suite davantage orientée vers la country music, elle n'en a jamais pour autant oublié le rock'n'roll. Puis elle a interprété juste avant aussi I'm Sorry, si vous vous souvenez. Et si on écoutait la version de Johnny Hallyday qui a été adaptée par Guy Bertrand et Roger Berthier, qui figure sur le quatrième super 45 tours Vogue de Johnny Hallyday, qui est sorti dans le commerce le 24 novembre 1960, ce n'est pas la version de 60 qu'on va écouter à nouveau, mais la version de 1982, oui, produit par Pierre Billon, souvenez-vous. Uh-huh, honey. Chérie, si tu voulais rentrer tes griffes, ce serait bien, et quitter ton air agressif, ce serait bien. Mais si tu décidais à m'embrasser, et tout feu et de l'amour dans tes yeux, ce serait bien, ce serait bien. Si tu me donnais ton téléphone, ce serait bien. Ma vie serait moins monotone, ce serait bien. Le jour et la nuit en prenant des écouteurs, entendrai les battements de mon cœur. Ça serait bien, ce serait bien. T'emmener un soir, oh, c'était bien. Dans un cinéma des boulevards, oh, c'était bien. Oh, mais je t'en prie, la prochaine fois, chérie, ah, si tu venais sans ta mère avec toi, ça serait bien. Interprété par Larry Williams. Larry Williams qui est un pianiste, chanteur, auteur, compositeur de rock and roll et de rhythm and blues. Slow Down est la face B de Dizzy Miss Lizzy et date de 1958. Le disque rencontre moins de succès que les précédents, mais sur la durée devient un classique du rock and roll, retrouvant une nouvelle jeunesse avec l'adaptation excellente des Beatles en 1964. La version de Johnny Hallyday, arrangée par Tim Hinckley, apparaît dans l'album Rock and Memphis de 1975. L'adaptation de Long Chris s'éloigne de l'original, mais le texte plutôt carré se rapproche bien de la violence de la ligne mélodique. Et c'est l'un des titres les plus agressifs du répertoire de Johnny, qui adore visiblement l'interpréter sur scène en faisant le méchant, comme là par exemple. Olé ouais Johnny Hallyday à Bercy en 1990. Voici Dégage en live. Ne la regarde pas avec monsieur. s'achève cette émission Johnny de A à Z, la 485e et le thème de la soirée Johnny et le rock'n'roll avec les pionniers du blues et du rock'n'roll anglo-saxon américain. Je vous remercie tous et tous d'avoir écouté et participé à cette émission et on se retrouve non pas la semaine prochaine, non pas la semaine d'après, mais dans 3 semaines pour une nouvelle émission de Johnny de A à Z. Ouais, ne pleurez pas. Il y a des podcasts sont là. Et puis on va écouter cette émission aussi. Merci à toutes et à tous. À très très très très bientôt. Ciao ciao.